tête vide, je ne vois plus du noir. Mes amis ont pris un nouveau visage, celui de mes voyages. Hey, hey, hey, j'ai tout oublié déjà passé. Perdu par nous.